Chapitre 15. Depuis qu'il était prisonnier, Ikoteruka avait eu le temps de réfléchir à sa situation. La question du gros homme ne le prit donc pas au dépourvu. « Qui je suis ? Vous devez bien vous en douter. Je suis un pauvre homme, obligé de voler pour vivre. J'ai commis quelques vols à Macao, et j'espérais encore pouvoir enlever quelque chose à bord de votre jonque. » Le gros homme haussa les épaules. « Regarde-moi bien, » dit-il en fixant le prisonnier. « Je suis le capitaine Mathias Bork, et personne au monde ne s'est jamais moqué de moi. Comprends-tu ? Tu es un damné espion de la police. Quand le chien t'a découvert, tu étais en train de nous espionner. C'est vrai. » Avoua Ikoteruka. « J'attendais le moment où vous alliez vous coucher pour m'introduire dans les cabines. »« Tu mens !» gronda Bork. « Attention à toi, je te le répète. » Tu es au pouvoir du scorpion. Tu sais ce que c'est que le scorpion ? Rappelle-toi que quand il fait grâce, c'est la mort. Quand il ne fait pas grâce, ce sont les souffrances sans fin. Parle, sinon tu seras jeté au scorpion. Comprends-tu ? Dévoré vivant. Tu t'es envoyé par la police pour nous surveiller. Raconte tout, n'oublie rien, et tu périras sans douleur, tranquillement. Ikoteruka feignit d'éprouver une terreur intense. Hélas, Seigneur ! Gémit-il. Je ne peux vous dire que la vérité. Je voulais voler. J'étais pris. Ayez pitié de moi. Tu ne veux pas, commença le gros homme. Mais l'individu voilé, levant la tête, l'interrompit, et en dialecte du houppé, glapit. Laisse ce porc, il ne dira rien. Et s'il parlait, nous ne saurions pas s'il dit la vérité. Qu'il en soit fait de lui. On le jettera au scorpion, là-bas. Tu entends ? Ricana Bork. Tu as voulu faire le malin. Tant pis pour toi. Maintenant, ton affaire est réglée. Tu seras dévoré vivant par les scorpions. Ikoteruka ne répondit pas. Il comprenait parfaitement que toute protestation serait vaine. Mais craignant d'être torturé s'il laissait deviner ses sentiments, il montra un visage décomposé par l'épouvante. Le gigantesque Mandchou, qui lui avait lavé le visage, le souleva, le jeta sur son dos et sortit de la cabine. Il traversa la pièce où le grand détective avait été déposé avant de comparaître devant l'homme voilé, arriva devant une trappe ouverte qui donnait à fond de cale. L'homme, se baissant, jeta le prisonnier dans l'ouverture. Ikoteruka tomba sans se faire mal sur le sable servant de lest à la jonque. Presque aussitôt, deux matelots chinois, apportant une lanterne, vinrent s'asseoir à ses côtés. Pendant les heures qui suivirent, ils ne le quittèrent pas une seconde. Ils furent ensuite remplacés par deux de leurs camarades. Ikoteruka, cependant, souffrait atrocement. Ses liens entraient dans sa chair, empêchant la circulation du sang et provoquant une fièvre intense. Le malheureux fut bientôt en proie à une soif horrible. Sa langue desséchée devenait dure comme un morceau de bois. Il lui sembla qu'il avait un fer rouge au fond de la gorge. Ses tempes battirent à coups précipités. « À boire, de l'eau !» ne put-il s'empêcher de gémir. Les deux Chinois devaient attendre ces paroles. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Ikoteruka serra les mâchoires et ne prononça plus un mot. Pendant combien de temps dura son martyre, il n'aurait pu le dire. Il entendait, comme en un rêve, les ronronnements du moteur de la jonque et le glouglou de l'eau contre la carène. Par moments, il lui semblait voir des langues de feu passer devant ses yeux. Il délirait presque. Une brusque secousse de la jonque le rappela à la réalité. Il entendit des cris furieux.